groove, mec. Val de Fontenay, Créatique 2007. J't'explique, 87, 88, je comprends ce qui se passe. Les seuls endroits où je me sens bien, les houles, les impasses. J'ai un problème dans la tête, je crois que c'est un truc dans le sang. Ça bouge dans tout mon corps, je crois que c'est un truc dans le sang. Le hip-hop, l'Alzheimer de l'époque. Le calvaire des balayeurs, Parkinson, débat des blocs. Les parents ont peur, pensent que leur petit débloque. Les tours, vibre de basse, bah ouais, c'est plus du rock. Tout le monde jette son challenger, veut des bas de Kawed ou d'une Jeff Scott. Y'a plus de cuir, genre Harley. Les grands nous charrient, on en met trois là-dedans, ma frère. Avec ta casquette de trapèze. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs. À l'époque, cela a évité que certains se barrent en yacht. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs. Dire que nos parents avaient peur que leur petit débloque. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs. À l'époque, cela a évité que certains se barrent en yacht. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs. Dire que nos parents avaient peur que leur petit débloque. Imagine des tours, des dalles de béton brûlant, ta poste. Des pattes, des gales, ça guénave, ça chante, mais c'est hoche. C'est l'époque des bandes, pour avoir une putain de réputation, ils dépendent des faits accomplis. En sueur ou en douille, certains c'était les rois de la danse, d'autres les rois de l'embrouille. Moi j'étais dans le SM, groupe pas de magouille. C'était saucisse, couscous, merguez, macrouille. 88, 89, déjà le mic en main, celle-ci pour Turner, Kirby, Audace et tous les miens. Elle-ci, dis-moi putain, ça fait une paye, toujours aval. Franchement, tu crois que le rap c'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs, à l'époque cela a évité que certains se barrent en yacht. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs, dire que nos parents avaient peur que leur petit débloque. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs, à l'époque cela a évité que certains se barrent en yacht. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs, dire que nos parents avaient peur que leur petit débloque. Plus qu'on pige. Et je pense encore hip-hop, j'dors hip-hop, j'respire hip-hop. Pourtant j'ai pas de bas sur la tête, j'ai juste un balacoste et stan au pied. Et un mic quand je danse et je vois ce move évoluer. Plus de respect, je sais pas, je suis peut-être aigri, mais moi je peux pas accepter qu'on traite comme ça les raclis, qu'on s'insulte à tout va, t'as vu, on prend la déchéance, même les darons, on les respecte pas. Hier, c'était pas peace, love and unity. On faisait du rap, pas comme certains jouent à la loterie. On ne pensait pas que certains pourraient en vivre un jour. Nous on voulait juste le vivre au jour le jour. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs, à l'époque cela a évité que certains se barrent en yacht. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs, dire que nos parents avaient peur que leur petit débloque. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs, à l'époque cela a évité que certains se barrent en yacht. C'est hip-hop, gars. La culture débat des blocs, dire que nos parents avaient peur que leur petit débloque. C'est hip-hop, gars. Avec le rap on veut s'en sortir. C'est hip-hop, gars. Choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc, choc,